avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans qu'on bat au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. De 14 juillet, padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais, padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Qu'il m'a fait comme si tout mon passé défilait pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat. De Henri Conté e Norbert Glansberg, você ouviu Padam Padam, com Edith Piaf. Você ouve agora, na voz de Edith Piaf, C'était un jour de fête, de Marguerite Monod e Edith Piaf. Avant de devenir mon amant, il m'en a donné des librettes, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, et comme ça qu'on perd ses 20 ans. On s'est mis en ménage dans le faubourg Saint-Denis, hôtel du Beau Rivage. Ça sentait bon Paris. C'est au 10e étage que j'ai connu l'amour. Vous parlez d'un voyage et quel joli séjour. Il m'en a donné des caresses, il m'en a fait des serments. Qu'il m'en a fait des promesses avant de devenir mon amant. Il m'en a donné des ivresses, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, c'est comme ça qu'on perd ses 20 ans. Cette histoire-là va durer, ce que ça doit durer. C'est terminé, fini mon bon voyage, me voici de retour, l'hôtel du Beau Rivage, garder mes amours. Il m'en a donné de la détresse quand il est parti, mon amant. Lui ai redemandé ses caresses. Il m'a dit qu'il avait plus le temps. Je lui ai rappelé ses promesses. M'a dit que ça c'était le bon temps. Il a emporté ma jeunesse. C'était un jour de fête. Crois bien que c'était printemps. Ce n'était qu'un sale dégoûtant. Você ouviu de Marguerite Monod e Edith Piaf, C'était un jour de fête, com Edith Piaf. Você ouve agora Mon manège à moi, Tu me fais tourner la tête, de Jacques Constanty e Norbert Glasberg, com Edith Piaf. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant. Changer de planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans de la fête, et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre. Mais pour nous, il n'y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à de Jacques Constantin e Norbert Glasberg, você ouviu Mon manège à moi, Tu me fais tourner la tête, com Edith Piaf. Você ouve agora L'orgue des amoureux, de André Varel, com Edith Piaf. Est venu jouer l'autre jour sous ma fenêtre dans la cour une ancienne chanson d'amour pour que rien, rien ne varie. Amour y met avec toujours.